Bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire une petite nouvelle écrite par Marc Villard. Marc Villard est un écrivain français. Il est né en 1971 à Versailles. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, cette nouvelle est parue aux éditions Néo en 1987. Voilà. Ces personnages sont des perdants de la société ou des musiciens. Il écrit également des scénarios de BD. Depuis plusieurs années, il propose des lectures accompagnées par des musiciens de jazz, également des lectures qui sont dessinées avec Chosy et Perrault. Donc, je commence. La mort par les plantes. Elle s'appelle Joyce, un prénom sucré comme un bonbon anglais qui vous chatouille sous la langue. Des fois, pour le frisson, je me chuchote son prénom pour moi tout seul, Joyce. J'en ai l'eau à la bouche, comme qui dirait, et je salive sans y prendre garde. Mais le matin où je la vis pour la première fois, l'humidité n'était pas d'actualité. Il en faisait un plat depuis une semaine, ce qui expliquait les rougeurs sur ma peau auxquelles ma nature de blond ne m'a pas préparée. Je laissais derrière moi mon studio nickel du quartier Saint-Rémy pour me concentrer sur la rue de Louvois qui recèle encore quelques verdures. Après avoir écumé 35 appartements d'une cité HLM, je jetais mon dévolu sur un pavillon isolé, cerné par un carré de poirier nain. Je tirais la cloche qui brinque-ballait près de la grille en essayant de me composer un visage supérieurement intéressant. Elle ouvrit trop vite et je la soupçonnais d'emblée d'avoir épié ma progression derrière ses persiennes. Son short rose était tendu à craquer sur ses rondeurs de bon aloi et son chemisier imprimé proposait un cliché de la ligne d'attaque rémoise, QV 1960. Fontaine, Coppa, Muller, Vincent, Piantoni. Just Fontaine, sur son sein droit, me clignait de l'œil avec malice. Joyce était brune, possédait de belles lèvres épaisses et accusait la trentaine. Oui, les éditions Enigmacus, madame. Je m'appelle Joyce Carrasco. Enchantée, Madame Carrasco. Nous sommes spécialisés dans la vente d'ouvrages consacrés à la médecine par les plantes. Ce disant, je fis jaillir sous son nez adorable Les plantes pour une vie naturelle de Jacques Boudu, notre best-seller. Entrez, concéda-t-elle simplement, et elle s'effaça dans sa minuscule cuisine pour me laisser passer. C'était la première fois de la journée qu'on ne me claquait pas la porte au nez ou que l'on ne s'excusait pas, arguant de difficultés financières, de ne pouvoir acquérir mon chef-d'œuvre. Il était bon que la chance me caresse enfin de son aile compatissante. Le pavillon se composait de 4 pièces, toutes situées en rez-de-chaussée. Les meubles étaient clairs et les sièges confortables. L'ensemble du bâtiment baignait dans une demi-pénombre alors que 2 ventilateurs aux pales métalliques dispensaient des filets d'air bienvenus. Joyce m'indiqua un fauteuil et gagna sa kitchenette pour nous préparer 2 whisky. Je repérai sur le mur un portrait de Klosterman, l'œil égaré sur les fuselages des hargneux Messerschmitt. Elle revint s'asseoir sur une bergère recouverte de cretonnes et je me concentrai sur mon laïus de vendeur breveté. Je percevais entre ses longs cils noirs son regard qui me jaugeait, mine de rien. Au beau milieu de ma tirade, elle m'indiqua la place libre à ses côtés. « Venez donc me montrer cette merveille. » Je m'installai près d'elle, la tête en feu, ses aisselles dispensaient un curieux parfum de cerise, et à chaque page tournée, mon coude droit venait buter contre son sein gauche, qui se prêtait de bonne grâce à cette gymnastique élémentaire. J'avouais enfin à Joyce la somme ridicule qu'il lui faudrait verser mensuellement pendant 2 ans. Elle mordilla sa lèvre inférieure, puis se décida brusquement à acquérir les 3 tomes de cette incomparable réussite éditoriale. Joyce se pencha sur son chéquier et d'une petite écriture étriquée rédigea le montant de la première traite. Pour fêter cela, elle nous resservit un double scotch. 3 Red Label à jeun, par une chaleur pareille, c'en était fait de moi. Quand je voulus me redresser pour prendre l'air près de la fenêtre, mes jambes se dérobèrent sous mon poids et je m'affalai contre le corps alangui de la jeune femme. Ses mains se fermèrent sur ma nuque alors que j'introduisais une langue vorace entre ses lèvres. Sur le coup de 16 heures, je repoussai le corps luisant de sueur de Joyce. Nous étions dans le lit conjugal qui, au dire de ma compagne, n'avait pas été à pareille fête depuis belle lurette. Sur la table de nuit, située à ma droite, une maquette de Cessna en acier brossé piquait du nez dans ma direction. D'un doigt négligent, je caressais les seins de Joyce et parvins, au prix d'un grand effort de volonté, à lui confier l'essentiel. « Je dois partir. Le patron exige une vente minimum de 2 collections par jour. »« Tu ne m'as même pas dit ton nom, » reprocha-t-elle d'une voix boudeuse. « Robert, Robert Duval, tu reviendras ?»« Pourquoi pas. Ton mari travaille ?»« À Reims Aviation. Il est chef d'équipe et ne rentre jamais avant 18h. »« Je peux venir demain ?» À partir de 11h, tu viendras, dis ? Je me tournai vers elle tout en boutonnant ma chemise. D'accord, mais pas demain. Je suis sur Cormontreuil, mercredi. Tu ne m'oublieras pas, tu es sûre ? Quémanda-t-elle en se dressant sur le lit. La lumière tamisée par les lattes des stores vénitiens dessinait sur sa peau des zébrures d'or fin. Elle m'apparut sauvage et primaire, une contraction d'amour brute, évidente et insatiable. « Comment pourrais-je ? » répondis-je en souriant. Et de fait, je ne pus l'oublier, car le surlendemain, s'étant brûlant 3 feux rouges place d'Erlon, siège des éditions Enigmaticus, que je parvins au pavillon des Carrasco, perdu face à la cité Maison-Blanche. Nous sacrifiâmes au sexe sans tarder et de façon répétée. Puis, passablement hébété, j'allumai une Marlboro en prêtant une oreille distraite à l'histoire de sa vie que Joyce débitait d'une voix monocorde. Une leçon trop bien apprise. Élevée à la campagne, mariée, jeune et installée à Reims dans le sillage du conjoint héros. Voilà pour l'essentiel. Elle passait toutes ses journées dans le pavillon avec, pour seule distraction, la corvée quotidienne au supermarché voisin. Des enfants ? Georges, c'est mon mari, ne peut pas en avoir. Il a tout simplement oublié de m'en parler avant notre mariage. Il ne le savait peut-être pas. Ben voyons. La question étant réglée, je me laissai bercer par son soliloque et m'assoupis sans prévenir. Une voix inconnue au timbre guttural me tira de l'inconscience. J'entendis parler d'une grève. J'ouvris les yeux sur un mastodonte moustachu aux biceps saillants planté au pied du lit. Son corps entier paraissait modelé à l'aide de ce qu'il est convenu de nommer la gonflette culturiste. D'autorité, je soupçonnais sa merde d'être, elle aussi, esthétiquement musclée. « Enlève-moi ce pédé, Joyce, et vite fait !» commanda l'homme. Tu es mal placé pour utiliser des mots comme ça, non ? Fit observer ma partenaire. Trois commandos de muscles frémirent en vagues concentriques sur les chairs du babouin. Je me dégageai lentement des draps, bénissant le ciel de m'avoir incité à enfiler mon slip après nos ébats. « Je vais t'aider à sortir, trou du cul !» prononça l'époux au fait de la tension nerveuse. « Georges, c'est mon mari, ne peut pas en avoir. » Cette intervention décida le culturiste. Il m'agrippa le cou et me fit pivoter sur les talons pour me projeter brusquement contre la porte de la chambre qui céda sous le choc. Je chutai avec une grâce de naïade adipeuse sur la moquette du salon. Georges se précipita à mes côtés et entreprit de me détruire à coups de basket. Il y allait de bon cœur et je ne trouvais qu'une lampe anodine à lui jeter au visage. Cette perturbation l'excita un peu plus. Il me releva et, en un corps à corps pâteau, nous renversâmes tous les obstacles mobiliers malencontreusement disposés sur notre chemin. Puis, il empoigna mes oreilles et projeta mon crâne à plusieurs reprises contre la table basse en merisier. Alors qu'un voile opaque descendait lentement entre nous, je vis ses yeux s'arrondir de terreur. Il se redressa avec difficulté. Joyce se tenait derrière lui, la main sur la bouche, essayant de retenir un hurlement. Dans le mouvement qu'il fit pour se tourner vers elle, son corps se présenta de profil et je découvris le couteau de cuisine planté dans son dos. À pas saccadés, il progressa vers son épouse qui, les yeux exorbités, reculait devant cet automate. Le mur de la cuisine stoppa là malheureusement cette prudente retraite. Carrasco dressa devant le visage de Joyce ses battoirs monstrueux et captura la gorge délicate qu'il entreprit de broyer entre ses doigts épais. Eh bien, je devais y aller. Je parvins à me rétablir en flageolant et m'abattis sur le dos du coléreux cocu. Le couteau. J'arrachai la lame et un filet sanglant sointa aussitôt de la blessure. Puis, j'emprisonnai l'arme entre mes mains et, tel un piston bien rodé, labourai la chemise à palmier du vilain mari. Il s'affaissa contre moi et son poids me fit perdre l'équilibre. Je regagnai donc ma place sur la moquette épaisse. Tout cela relevait, depuis 5 bonnes minutes, de la démence la plus pure, mais une pensée unique miroitait dans ma tête. En finir avec Georges. « Les flics !» balbutia le cher homme en rampant vers la porte, alors qu'un geyser écarlate jaillissait sous sa moustache. Joyce m'arracha le couteau des mains au moment où il touchait enfin le panneau de mauvais bois. Elle se précipita sur lui, hurlant des mots sans suite, mais le terme « charogne » revint plusieurs fois sur ses lèvres. Puis, agitée de sanglots brefs et hystériques, elle plongea l'arme au jugé dans cette masse sanguinolente. Il parvint encore à se relever et, tel un taureau furieux, se cogna au mur, abandonnant derrière lui des zigzags de sang frais qui auraient ravi Pollock. Il s'écroula enfin, entraînant dans sa chute une bibliothèque consacrée à l'œnologie qui se fracassa au sol. Quelque part, un chien hurlait à la mort. Je risquai un œil par la fenêtre. Le monde était bien à sa place de l'autre côté de la vitre. Ce n'était donc pas un cauchemar. Joyce, à genoux contre la porte, reprenait son souffle, pressant ses doigts rougis contre son cou meurtri. Je rampais tel un crotal, mais un crotal centenaire, en direction du bar miniature et raflais la bouteille de Glenfiddich. Une rasade monstrueuse se fraya un chemin dans mon estomac, provoquant un raz de marée que j'évacuais. en couinant comme un porc sur les tomettes de la salle de bain. Nous étions dans le potage et pas qu'un peu. Joyce ne me fut d'aucun secours. Prostrée, elle contemplait le carnage d'un œil torve en compagnie de Klosterman qui, dans son cadre de bois, affichait du moins un regard limpide. Je lui administrais bien quelques gifles amicales, mais rien n'y fit. Je me décidai donc à prendre personnellement l'affaire en main. Refis le lit dans la chambre et passai mes vêtements préservés de la marée rouge. Puis, affublé d'un tablier de plastique qui traînait dans la cuisine, je décidai de laver à grande eau le living. La bibliothèque me donna du mal, mais je réussis à reclouer les étagères disloquées et le meuble de rangement retrouva bien vite son aspect initial. Restait le corps. Je me tournai vers Joyce. « Il me faut une bâche, ou bien des couvertures. Fais un effort, Joyce, bon Dieu !»« Garage !» souffla-t-elle. Je parvins à tirer d'un foutoir insensé l'une de ces bâches qui servent à couvrir les automobiles quand l'hiver se fait méchant. Et j'emballai le corps raidi de Carrasco dans ce linceul. Toute cette activité m'occupa une bonne partie de l'après-midi. Enfin, vidé moralement au plus bas, je me laissai choir dans un fauteuil face à Joyce. Nous restâmes deux siècles à nous dévisager, haineux et angoissés au-dessus du cylindre. J'avais mon idée pour me débarrasser de l'objet, mais rien n'était possible avant la nuit. En explorant machinalement mes poches de pantalon, je mis la main sur les deux places louées dans la tribune Francis Méano pour le match du jour à Auguste Delaune, Reims, Angers. Voilà ce qu'il nous fallait pour oublier momentanément le cher Carrasco. Je pris Joyce par le bras et nous gagnâmes à pied le stade Vélodrome. Ce soir-là, Tony Giannetta et son frère Rosario en firent voir de toutes les couleurs aux pauvres Angevins qui s'en repartirent dans leur chaumière avec trois buts dans la musette. Charrie et Georges, dans le coffre de l'Opel, commercial ne fut pas une mince affaire. Ce salaud-là pesait bien ses 100 kilos. Joyce émergea de son coma et, ahanant sous le poids, nous parvîmes à faire glisser le cadavre à l'arrière du véhicule. Les lumières des HLM voisines s'éteignirent une à une. Je pris le volant de l'Opel et Joyce, à mes côtés, orientait le véhicule en amont du canal qui borde la voie express. Le dépôt d'ordures se fondait dans la nuit, exhalant des effluves à la prégnance écœurante. Des bataillons d'oiseaux nocturnes s'activaient sur le compost, claquant du bec de façon sinistre. Avec rage, je tirai la bâche par l'arrière et envoyai dinguer Carrasco au centre des déchets en décomposition. Alors que je m'apprêtais à regagner l'Opel, j'eus l'impression fugitive que la bâche remuait. Je m'approchai épouvantée de la masse noire. Cela paraissait impossible, mais Carrasco vivait encore. Le rouleau goudronné oscillait faiblement. Un râle étouffé déserta ce cercueil New Look. Terrorisée, je pivotai en direction d'un petit promontoire rocheux, arrachait une lourde pierre au monticule et, fou furieux, martelait la tubulure. Des larmes de désespoir absolu coulaient sur mes joues, mais j'étais parvenue au-delà des larmes. Je frappais comme un démon 10 fois, 20 fois, 50 fois. Un semi-remorque ulula sur le bitume voisin. Je me relevais, c'était fini. Abasourdi et programmé, je repris place derrière le volant, puis me tournai lentement vers Joyce. Mais Joyce avait disparu. L'Opel cahotait sur le sol inégal et je pus enfin m'arracher au cimetière de déchets. Je lançai l'automobile sur le chemin de halage qui serpentait parallèlement au canal. Puis, je l'aperçus. Elle courait à perdre haleine à 100 mètres devant moi. Son corsage blanc dansait dans le sombre, tel un ver luisant dans la nuit méditerranéenne. Je baissai la vitre à ma gauche et criai par-dessus le bruit du moteur. « Joyce, attends-moi !» Enfin, je garai l'Opel contre un arbre creux, car le chemin s'arrêtait brusquement. Joyce sautillait sur un pont qui enjambait le canal et se dirigeait à toutes jambes vers la patte métallique qui surplombe la nationale, derrière la maison de la culture. Elle parvint ainsi au centre de l'architecture et se pencha sur la rambarde. Elle veut mourir sous un camion, pensais-je, en progressant lentement vers la base du pont. Mais non, je la vis avec stupeur agiter ses bras au-dessus de sa tête pour attirer l'attention des automobilistes. En me penchant un peu, je repérai une voiture de police stationnée au bord de la voie, gyrophare en batterie. Deux flics crapahutèrent lourdement sur le remblai opposé pour rejoindre la jeune femme sur son perchoir. Quand ils furent près d'elle, elle se tourna vivement vers moi, plantée comme une andouille au bord du canal, et tendit le doigt en me désignant. Un bref conciliabule les absorba, puis ils commencèrent à progresser dans ma direction, mais j'étais déjà dans l'Opel, occupée à maltraiter la première vitesse. J'ai gagné Barcelone sans trop de difficultés. Faux papiers, cher, très cher. J'ai vécu dans des chambres d'hôtel où l'on m'imposait de payer d'avance et avalé des torrents de vinasse pour tenter d'oublier ce qu'elle m'avait fait. Enfin, j'ai pu me faire engager chez Akito Édiction et leur ai proposé d'écrire une vie des plantes qui guérissent. Je connaissais mon sujet par cœur et le livre obtint un très gros succès de vente par courtage. On m'a refait le nez, mes cheveux sont teints et je porte des lunettes. Interpol reste pour moi une raison sociale ésotérique. Sur mes droits d'auteur, j'ai engagé des détectives français. Ces gens-là existent, je les ai rencontrés, et leur ai longuement parlé de Joyce Carrasco. Ils ont travaillé dur et, voici 3 jours, m'ont télégraphié la bonne nouvelle. J'ai pris le Talgo de nuit sans perdre une seconde pour attraper le train Paris-Reims à la gare de l'Est. D'où je suis, attablé le dos à la terrasse du café du palais. La vue sur la salle est particulièrement dégagée et le regard peut porter jusqu'au Bouddha grimaçant dans sa cage de verre. Devant le Bouddha, sur la banquette, Joyce sirote une limonade, concentrée sur les mots croisés de l'Union, le quotidien local. Son nouveau conjoint, Raoul Quentin, est musclé, blond et imberbe. Il vient de quitter son épouse à regret, requis par une tâche urgente dans les caves ruinards qui le payent pour vanter leur champagne aux 4 coins du monde. Et, impromptu, une question d'importance m'assaille. Vais-je la tuer rapidement ou très, très lentement? Allez savoir. Eh bien, je vous ai choisi une petite musique Bill Brown, c'est Ghost Recon Anthem. Notre auteur Marc Villard adore les bandes dessinées. Et pourquoi pas une musique de jeux vidéo? Allez, à plus tard!